Robert Bouliane a beaucoup, beaucoup de respect pour les Marquis de Jonquière. C'est en plein ça. Oui, les Marquis qui ont terminé deuxième au classement général. Pour décrire un peu, les Marquis, je pense que c'est une équipe qui est bien balancée, là, qui ont une bonne attaque, une bonne défensive et des excellents gardiens de but. OK. Donc, c'est sûr que, selon moi, c'est pas des games qui vont se finir par un haut pointage. Et on s'attend à jouer serré contre. Robert Bouliane aime bien le rôle de négligé. Ouais, ben ceux qui me connaissent bien, ils ont toujours savent très bien que j'aime mieux jouer d'un rôle de négligé. Tu sais, on rendu là. L'important, c'est d'être prêt pour les séries. En série, tout peut arriver. Puis je pense que si tout le monde met le rôle à la pâte, la main à la pâte, je pense qu'on peut causer une surprise. Okay, mais par contre, c'est sûr que ça va prendre l'effort de tout le monde. Le champion du monde de Dynamo Folie, William Veilleux, a réussi mercredi soir un record personnel de lever à l'entraînement. Il a levé 222,5 kg, ce qui lui donne 490 kg. Il a aussi levé 585 livres. C'est soit un saut de 93 livres par rapport à ce qu'il avait levé l'an dernier lorsqu'il avait remporté le championnat du monde en Russie. Donc on dit, selon le communiqué, qu'une telle charge le positionne parmi les meilleurs squatteur au pays. Donc, bravo à William Veilleux. Je vous invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, je me suis entretenu avec Pascal Jobin. On fait la chronique de la NBA. On s'est également entretenu avec le pilote de NASCAR, Alex Labbé, et l'instructeur-chef des Castors de Dolbeau, Robin Bouliane. Le sport local et régional à danradiosport.com. On s'en occupe.